Tu cherches 500 000 à Rome. Tu cherches pas 500 000 à Rome. Prends un fourneau. Regarde un fourneau. Puis des fourneaux, là tu vas à un autre. Des fourneaux, tu vas être amené à parler à quelqu'un. Puis de quelqu'un, tu vas être amené à parler à une autre personne. Faut que tu parles de toi, Fresh Job, pas de l'extérieur vers toi. Tu vas te gazer. Part de chez vous, tu vas dire, part des journaux. Tout ça des journaux. Part des journaux. Les compagnies. Après ça, tu t'en vas de même. Tu ne vas-t'en pas de même d'abord tout de suite pour venir chez vous. Ils vont te faire peur autour de la ville. C'est vibratoire. Il y a des façons de se trouver une job. La meilleure façon, c'est partir du niveau de l'information qui est proche de chez vous. Ça, c'est pour nous. Non, effectivement. Si tu parles à quelqu'un, tu es content. Tu vas une compagnie là, puis une compagnie là, puis une compagnie là. Tu comprends, tu vas dépenser le temps. Tu vas dépenser de l'énergie. Puis à part ça, ta job, tu ne peux pas bosser. Tu ne peux pas te voir un certain temps. Il y a un temps pour ta job. Entre le temps de ta job, l'effort que tu fais, oui. Qu'il y a un équilibre. Mais ça, c'est vibratoire. C'est dur pour moi de t'expliquer ça. Parce que c'est vibratoire. Tu peux te trouver un job psychiquement ou non, tu peux te trouver un job mentalement. Il y a deux façons de trouver un job. Si tu trouves un job mentalement, tu vas arriver plus vite que si tu sors d'autre, si tu vas en chercher psychiquement. Mais ça peut être. Mentalement, ça peut impliquer que tu ne seras pas en vibration pour une semaine de temps. Là, une semaine, tu fais le mouvement. Paf. Tu me mouvement. Puis ensuite, ta coupe. Puis ensuite, ta frein. Si tu vas psychiquement, tu vas dépenser bien d'énergie pour trouver un job. Mais fonctionner mentalement au niveau d'une job, au niveau des choses, de la vie importante, il faut sentir la vibration. Ça, ça. On le sent quand, c'est, quand on le sent. C'est vrai. C'est comme si j'avais été portée. En ouvrant la porte, les gens entendent la vérité, les vibrations, le chaleur, le contraire de la porte. Mais du moment où j'ai sorti dans les gens, j'ai tout à fait peur sans me penser. Moi, si j'ai senti que j'étais sans me penser, il y avait une voiture qui m'attendait, qui m'a mis, là. Mais je pensais pas, là. Je voyais toute la situation. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'avais juste une question seulement pendant l'ambulance. Il y avait juste des mots sur elle, la foule s'est dissipée. Parfait. J'ai pas eu l'excuse. J'ai pas la merci de la femme qui a donné une chose de plus pour que j'ai une chose, là. Je disais, il y avait des gens, c'est pas grave. Je veux dire, il n'y aura pas d'autre chose. Là, c'était tout à l'heure, c'est tout ce qui était. Mon temps m'a dit, lui, va prendre son filiation dans l'année. Il y a cinq personnes qui l'ont arrêté. Il dit, là, c'est pas content, je voyais pas les gens. Il est tout à l'heure, puis je me disais, ce qui arrive, vous autres, quand vous fonctionnez mentalement, la force est tellement grande que vous vous sentez mieux. Il faut que vous en arriviez à pas vous sentir mieux, mais à sentir la force. Ah, c'est une autre que moi. Pas que vous autres que vous non, mais pas dans le sens comme un automate. Ça, c'est analyse, le se sentir, c'est les guider. Là. Ouais, c'est de ça. Fonctionner, là, faire un mouvement, là, puis dire. Vous êtes sûr que c'est ça. Vous n'avez pas de question. C'est parce que la vibration vient quand même en fonction de son entourage. C'est l'intensité de temps. Mais oui, tout vient en fonction seulement. C'est psychiquement, souvent, on interfère avec cette vibration. C'est ça. Mais il ne faut pas, au début, quand on sent cette énergie-là, on s'ennuie, on s'ennuie au bout. Il faut en arriver à la vie, cette vibration-là, d'une façon bien normale. Parce qu'elle fait partie de nous autres, anyway. Seulement qu'elle est activée sur un autre plan de notre conscience. Une fois qu'on commence à s'habituer à cette sorte de vibration-là, puis au vent d'action qu'elle peut nous faire faire, on s'aperçoit que ça va bien vite, les actifs. Mais. Le danger, si on interprète mal ce que je veux dire, dans le sens que si on ne comprend pas bien ce que je veux dire, on va déduire que ce que je veux dire, c'est l'équivalent d'une prise de conscience. C'est pas une prise de conscience.